scientifique actuel dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, Inter, de Paul Sarrès, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douel. Aujourd'hui, 1963, première émission. Le plus judicieux et le plus simple pour raconter une décennie, c'est de la laisser se découvrir année après année, par bribes, par surprise, en sachant bien évidemment que l'ensemble ne sera pas exhaustif, et tant mieux. Cette série n'est pas une leçon d'histoire, mais une immersion curieuse et confiante dans les archives de l'INA, Institut National de l'Audiovisuel. Dans les bandes magnétiques d'époque, donc. Sauf que notre passé sonore commun est désormais numérisé. Mais peu importe la technologie, le passé reste le passé. Les techniques modernes ne le transforment pas. Elles le sauvegardent, et c'est l'essentiel. L'année 1963. Première année sans la guerre d'Algérie. Pas d'élection en France, les grandes grèves des mineurs, des films, des romans, des tubes, les yéyés prennent presque le pouvoir, des émeutes raciales aux États-Unis, l'espace à conquérir, par l'Est ou par l'Ouest, un traité sur le désarmement, des morts célèbres, comme chaque année finalement. L'année 1963, pour peu qu'on la fasse artificiellement débuter le 22 janvier, commence par un événement historique. Inter, actualité. Au micro, Michel Honorin. Le 22 janvier 1963 s'inscrit dans l'histoire. Pour la première fois, depuis des temps immémoriaux, le chef de l'État français a embrassé le chef du gouvernement allemand. Nous allons revivre cet instant. Il est 17h41, nous entrons dans le salon Murat, au premier étage de l'Élysée. Les lambrises et les colonnes dorées brillent sous l'éclat des lustres illuminés, au mur des tapisseries représentant des scènes de la vie champêtre, et devant la double entrée, une table ovale recouverte de tapis rouges, et derrière la table, assis dans 5 fauteuils Louis XVI, le général de Gaulle avec à sa droite le chancelier Adenauer et le ministre allemand des Affaires étrangères, et à sa gauche, M. Pompidou et M. Couve de Murville. Sur une estrade, une grappe de journalistes et une dizaine de caméras, de Gaulle signe le premier le préambule du traité de coopération franco-allemande. Adenauer appose son paraphe immédiatement après, les flashs crépitent, les caméras tournent, puis les 5 hommes signent le traité. La scène a duré 3 minutes, il est 17h45. Le général de Gaulle se lève. C'est d'un cœur et d'un esprit profondément satisfait que moi-même, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République française, viennent de signer avec Monsieur le chancelier de la République fédérale d'Allemagne et Monsieur le ministre des Affaires étrangères de cette République le traité de coopération franco-allemand. Il n'y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet acte, non pas seulement parce qu'il tourne la page après une si longue et si sanglante histoire de lutte et de combat, mais aussi parce qu'il ouvre toute grande les portes d'un avenir nouveau pour l'Allemagne, pour la France, pour l'Europe et par conséquent pour le monde. Immédiatement après, le chancelier Adenauer prend la parole en allemand que Paul Bourguin traduit. Sie haben die Empfindungen und die Gefühle aller derer. Monsieur le Président, vous avez exprimé les sentiments de tous ceux qui, du côté français et du côté allemand, ont participé à cette œuvre de façon si parfaite. Je n'ai rien à ajouter à chacune de vos paroles qui correspondent à nos espoirs. Oui, c'est alors que le chancelier et le général, visiblement émus tous les deux, se tournent l'un vers l'autre et s'embrassent avec chaleur. Restons en France, et plus précisément à l'Élysée, et toujours en janvier, puisque quelques jours après la signature du traité franco-allemand, le général de Gaulle met son veto à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Réactions variées aux États-Unis et en Europe. Je dois dire que ce fut une manière de choc. On ne s'attendait visiblement pas à des affirmations aussi tranchées ou apparaissant telles, une fois résumées en quelques mots sur les printings des agences de presse. Et quelques instants plus tard, la consigne était donnée à tout le département d'État. Aucun commentaire avant que le texte complet des déclarations du général de Gaulle soit parvenu ici et avant une étude à tête reposée. C'est une tradition dans toutes les affaires d'État de n'autoriser que des commentaires officiels et pesés quand il s'agit de faits nouveaux et importants. Aucun commentaire donc, mais étant sur place, je peux dire que les déclarations du général de Gaulle ont été considérées comme dures et peu encourageantes pour l'Alliance Atlantique et la coopération européenne telle que le souhaitent les Américains. J'ajouterai, n'engageant que moi-même, que le gouvernement des États-Unis laissera sans doute la construction de l'Europe aux Européens, quel que soit leur désir ou leur regret, mais que pour l'Alliance Atlantique, tout résigné qu'il soit à voir les Français posséder leurs propres forces atomiques, ils s'efforceront encore de trouver une formule de coopération, d'association. La réponse du général de Gaulle au président Kennedy, après l'offre des Polaris, n'a pas fermé la porte à une négociation, bien au contraire, ce dont on se félicite encore ici. Quant aux premières réactions britanniques, c'est à Bruxelles, je crois, que vous les avez trouvées, Jean-Pierre de Cabache. Eh bien, la Grande-Bretagne ne peut accepter, dit-on là-bas, l'association au marché commun au lieu de l'adhésion, dans le cas d'un échec de ces négociations de Bruxelles. Non, la Grande-Bretagne veut jouer son rôle politique et économique en Europe sans aucune réserve. C'est M. Heath, le chef de la délégation britannique à Bruxelles, qui vient de le dire. Mais à Londres même, que dit-on? Eh bien, à Londres, officieusement, c'est avec regret et amertume qu'on a pris connaissance du passage de la conférence de presse de l'Élysée portant sur la demande d'adhésion de la Grande-Bretagne au marché commun. On s'attend à des remous politiques intérieurs considérables. Déjà, les travaillistes et l'aile droite du Parti conservateur se montrent satisfaits. Ce soir, l'Evening Standard, qui est un journal très anti-marché commun, a titré sur 8 colonnes « De Gaulle ferme la porte du marché commun ». Tous les petits Français ne s'intéressent peut-être pas à la politique extérieure. En revanche, ils écoutent les chanteurs anglais. Et par ailleurs, il semblerait qu'ils soient nombreux, et que cela les ait marqués, à suivre les aventures d'un certain Thierry Lafronde, héros d'un feuilleton télévisé, où l'on retrouve les Anglais du reste. Les cours de récréation retentissent alors chaque jour des premières notes du générique. Excusez-moi, messire de Bruel, je n'ai pu résister. Vous êtes d'une adresse diabolique, Thierry. Oh, simple habitude de paysan. Ce sont les enfants du village qui m'ont appris leur jeu. Je préfère la fronde aux armes nobles. Il est possible que nous soyons surveillés. La chasse est un excellent prétexte pour notre rencontre. Vous tenez toujours à votre projet? Oui. Vous savez que c'est une folie. D'autres l'ont tenté? Et ils ont échoué. Passer en Angleterre, sur une barque, délivrer leur roi Jean, c'est impensable. Et c'est pour ça que j'y pense. Les Anglais n'imagineront même pas que l'on puisse tenter une seconde fois la même chose. Si vous me refusez votre aide, je comprendrai. Je ne demande que votre silence. Votre folie est contagieuse. J'irai avec vous. Cet oiseau? Un signal de mon homme de confiance. Messire Florent, tout va bien. Messire Florent? C'est l'intendant de mes terres. Celui qui vous a mené jusqu'à moi. Et peut-on se fier à lui? Oui, c'est un homme sûr. Oh, bizarre, parfois, retors ou violent. Ce sont la qualité d'intendant. Curieux. Mais qu'y a-t-il? Le signal venait de ce côté. Florent avait réparti des hommes. Cette fois-ci, c'est devant moi. Attendez. Que se passe-t-il, messire Florent? Vos hommes ont quitté les places qu'on leur avait données. Oui, monseigneur. Sur mon ordre, une troupe anglaise avait pénétré dans la forêt. J'ai jugé bon de renvoyer les hommes au village. Vous avez craint que leur présence attire l'attention? Plus exactement, messire Thierry, j'ai craint qu'ils ne livrent bataille. Ils ne l'auraient pas fait sans mon ordre. Peut-être l'auriez-vous donné. Et pour quelle raison? Pour celle-ci, monseigneur. La suite dans vos souvenirs. Thierry Lafronde, vous le dénicherez certainement sur le site ina.fr avec tant d'autres archives télévisuelles. Quittons la fiction pour revenir à la réalité. Et pour un sujet grave, le drame de la femme. Le drame de la femme en 1963, quel est-il? Entendons une femme qui ne travaille pas vraisemblablement, qui n'a pas de problème de couple, de famille, d'argent et qui aurait même un petit peu de temps pour lire, enfin pour lire les romans dont on parle dans les journaux. Son drame, en 1963, selon le magazine féminin de la radio, c'est la cellulite, figurez-vous. Mais par chance, un traitement américain, bien sûr, est arrivé et bien écoutez attentivement la passionnante histoire de cuisses et de chevilles qui suit. L'Institut des jambes, ça fait sourire d'abord, et puis après on se penche plus sérieusement sur le problème, car c'est en fait un élément très important de la beauté du corps des femmes, les jambes. Et on dit que les hommes regardent avant tout les jambes des femmes. Bien, il faut dire que vu de dos, une femme en fait de partie découverte ne présente que les jambes déjà. Et il est un fait que certains de ces messieurs, même beaucoup paraît-il, s'amusent à faire un diagnostic de dos en se demandant quel peut être l'âge de la dame et quel peut être aussi son visage par rapport à ses jambes, les seules choses qu'ils voient. L'esprit, pour beaucoup, c'est vrai, c'est d'abord les jambes des femmes, après les yeux. Eh bien, à l'Institut des jambes, quel est exactement son but? Bien, vous faites bien de me le demander parce que quelqu'un m'a écrit en me demandant si on faisait de la danse à l'Institut des jambes. Alors vous voyez que ça demande quand même quelques précisions. C'est un centre de soins esthétiques très spécialisé puisqu'il ne s'occupe exclusivement que des jambes. On y traite notamment l'épaississement des jambes. On a quelques cas de jambes trop maigres, mais la majorité, il faut bien le dire, sont les jambes empâtées. Oui. Par amincissement des jambes, je suppose que vous faites allusion à la cellulite, qui est le drame de la femme. Oui. Alors, le tout est de voir, en cas de cellulite, il est plus prudent de voir le médecin de traitant, qui doit donner un traitement interne, parce que les causes sont très complexes. Mais nous pouvons, par nos moyens esthétiques, arriver, surtout maintenant que nous disposons du leg pump, le traitement américain qui est très puissant, arriver d'une manière efficace à la réduire. Toutefois, avec le concours du médecin, comme je vous le disais. Généralement, quels sont les problèmes que les femmes ont vis-à-vis de leurs jambes? Vous me dites que c'est surtout l'amincissement. Oui, notamment l'amincissement. Il y a aussi le problème des taches, parce que à la suite de certaines scléroses ou à la suite de petits paquets de vaisseaux capillaires dilatés, elles ont des taches disgracieuses et elles aiment beaucoup pouvoir les camoufler, surtout la période des maillots de bain. Oui. Alors nous avons trouvé un produit qui est une sorte de mastic coloré qui permet de dissimuler ces taches. Ce produit est très valable lorsque les taches sont compactes. Si les varicosités sont disséminées, c'est beaucoup moins intéressant. Oui. Les chevilles, est-ce qu'il est facile d'amincir la cheville? Oui, c'est le point le plus critique et qui dépare le plus la jambe d'une femme. Et on peut très bien les amincir. Nous avons des moyens avec les masseurs vibrateurs, avec le leg pump que nous avons cité tout à l'heure. Mais toujours après avoir localement amélioré la circulation et surtout rabaisser la température de jambe. Parce que lorsqu'elles présentent tous ces épaississements et toutes ces disgrâces esthétiques, elles sont trop chaudes par rapport à la normale, de l'ordre de 3 à 5 degrés environ. Oui. Est-ce que, évidemment, vous ai attendu quelques instants dans votre salon et plusieurs femmes sont arrivées. J'ai évidemment été immédiatement attirée par leurs jambes, car lorsqu'on est chez vous, on regarde tout de suite les jambes des dames, des femmes qui viennent, des clientes. Et je n'ai pas remarqué des jambes disgracieuses. Est-ce qu'on doit en conclure que les femmes qui ont, même les femmes qui ont de très jolies jambes, viennent malgré tout pour entretenir la ligne? Il y en a qui viennent avant même d'avoir quoi que ce soit d'effectueux, parce que tout à l'heure vous avez dû rencontrer une danseuse et vous comprenez que dans son métier, l'esthétique de la jambe est primordiale et elles viennent avant même d'avoir des épaississements aussi marqués, mais elles n'ont pas non plus toutes soulevé leurs jupes pour vous montrer l'état de leurs cuisses. Et il va de soi qu'à l'Institut des jambes, on s'occupe non seulement de ce qu'on appelle à proprement parler la jambe, mais de la cuisse aussi. Oui, et la cuisse est souvent beaucoup plus délicat pour la femme à entretenir, certainement. Plus difficile pour nous à vaincre, l'épaississement de la cheville et du dessus de pied sont nettement plus difficiles. La cuisse, on arrive avec des moyens classiques, tandis que pour amincir la cheville, il faut qu'on fasse intervenir et le frigibas et le leg pump combinés, parce que c'est très rebelle. Oui. Elles viennent souvent, combien de temps durent les traitements? Ça dépend évidemment. Chez nous, très longtemps, parce qu'il faut très longtemps, à moins qu'elles accélèrent les choses, puisqu'il n'y a pas de contre-indication, on peut les faire tous les jours, mais en principe, il faut une minimum de 20 séances pour obtenir quelque chose de valable et de durable comme résultat. Nous sommes là maintenant dans une des cabines réservées aux clientes et près de moi, une cliente allongée et chaussée de bottes de 7 lieues. De quoi s'agit-il? Mais il s'agit du leg pump, c'est le traitement américain qui consiste à imprimer à ses bottes un mouvement de compression et de décompression pendant un temps déterminé et à une pression déterminée, le tout à la seconde près et au millimètre de mercure près. Oui. Est-ce qu'il est indiscret de demander à votre cliente ou de vous demander de quoi souffre, ou de moi, pourquoi cette dame vient à l'Institut des jambes? Parce qu'elle a des jambes un peu épaissies, que par ce moyen de compression très rythmée, on arrive à lui chasser la cellulite, la stase et tous les déchets qui peuvent encombrer ses tissus. Oui. Bien, je vais vous demander, madame, ce que vous lisez. Vous lisez Simone de Beauvoir, je crois. Oui, L'Invité. Oui, j'ai vu dans l'entrée une grande bibliothèque réservée. Oui, avec des classiques, Maupassant, j'ai relu du Colette aussi, c'est passionnant. Les choses qu'on n'a pas le temps de faire chez soi. Vous venez souvent? 3-4 fois par semaine, oui, parce que je voudrais arriver à un résultat. Et... En combien de temps vous pensez avoir ce résultat? En 3 semaines, peut-être. À travers le monde, de Shanghai jusqu'à San Fernando, sous le vent et la tempête, pour toi j'ai mené mon bateau. Je reviens le cœur en fête jusqu'au bord de Saint-Malo. Je reviens au pays, sous le vent et la tempête, pour toi j'ai mené mon bateau. Je reviens le cœur en fête jusqu'au bord de Saint-Malo. Droit devant depuis Vincent. semaine, d'Amsterdam à l'île de Bornéo. J'ai souvent cru que l'orage finirait par avoir ma peau, et j'ai retrouvé courage et le chemin de Saint-Malo. Je reviens, je reviens, je reviens mon pays, sous le vent et la tempête, que j'aime les bons bateaux. Je reviens le cœur en fête, je suis content de Saint-Malo. Hey, la la la la. D'Istanbul jusqu'à Valparaiso, j'ai fait le tour de la terre, voile au vent sur le Centrano, par les portes de l'enfer, y compris à tout Saint-Malo. Je reviens, je reviens, je reviens au pays, sous le vent et la tempête, contre j'aime les bons bateaux. Je reviens le cœur en fête, tous au bord de Saint-Malo. Cheveux noirs ou bien cheveux d'ange, de Lisbonne au port de San Diego, mes demoiselles s'envolaient comme des oiseaux. C'était toi vraiment la plus belle, de New York jusqu'à Saint-Malo. Je reviens, je reviens, je reviens au pays, sous le vent et la tempête, pour projeter les bons bateaux. Je reviens le cœur en fête, tous au bord de Saint-Malo. La cheville raffermie, la cellulite évaporée ou fondue, la lecture d'un roman de Simone de Beauvoir achevée, que faire ? Peut-être de la thalassothérapie à Saint-Malo. Mais on peut aussi, on pouvait aussi, en 1963, regarder son feuilleton à la télé, palpiter aux aventures de cœur d'une jeune infirmière dont les jambes, parfaites sans doute, faisaient corps avec le deux roues à moteur du générique. Ce matin. Ah, bonjour Angèle. Oui, j'ai une course à faire avant d'aller travailler. Je te demande pas tes secrets, je m'en moque. J'en avais tous des tas de secrets maintenant à la maison. Non, mais ce qui m'embête, c'est de vous voir filer comme ça sans rien prendre. Toi et ton frère, vous avez une façon de vous nourrir. Vous finirez tuberculeux. Mais non. Au revoir. Comme si on ne le voyait pas, que le chagrin la dessèche. Et tout ça pour un homme. Oh, misère. Alors, Angèle, tu me la montres, la pâtée ? Je la chante, moi. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu, pour supporter une famille pareille ? Bonjour, parrain. Bonjour. J'ai très peu de temps, je vous ai tenté à l'hôpital. Tu as une opération ce matin ? Non. Alors assieds-toi. Bien. Maintenant, raconte. Qu'est-ce qui se passe ? En rentrant à la maison hier soir, j'ai rencontré un homme sur la route. Il a engagé la conversation et il m'a dit qu'il était un ami de Bernard. Ah, c'est tout ? Attendons. D'abord, c'est un ami de Bernard que je n'avais encore jamais vu. Pas quelqu'un du pays. Il circulait en vélomoteur. Il m'a dit aussi qu'il était en vacances à Chimaux. En me quittant, il s'est recommandé au bon souvenir de Bernard. Il s'appelle Émile, c'est tout ce que je sais. En vacances à Chimaux ? Oui, à cette époque de l'année, c'est bizarre. Surtout qu'il n'a pas l'air de quelqu'un qui a les moyens de s'offrir des vacances. Comment est-il, ton bonhomme ? Blond, le type nordique. Assez bien bâti. Jeune ? 30, 35, je ne sais pas. Il n'est pas très bien soigné de sa personne. Tu penses à quelqu'un ? Non, et oui. C'est bizarre, le signalement que tu me donnes me rappelle quelque chose, mais quoi ? Alors j'ai pensé qu'il y avait un rapport entre le départ de Bernard et l'arrivée de cet homme qui est en vacances à Chimaux depuis avant-hier. Oh, c'est idiot, alors c'est un souvenir récent, je n'arrive pas à retrouver les détails. Tu es pressé ? Je suis sérieusement en retard. Bon, sauve-toi. Naturellement, tu veux que je m'occupe de ton affaire. Il faudrait retrouver cet homme, parrain. Hashimo. doit pas être bien difficile. En admettant qu'il ait dit vrai. S'il a cherché à prendre contact avec moi, c'est qu'il n'a pas retrouvé Bernard. Je suis sûre que c'est lui qui a téléphoné à la maison le soir de nos fiançailles. Je suis sûre que c'est à cause de lui que Bernard est parti. Tu me tiens au courant? C'est que j'ai du travail, moi aussi, figure-toi. Bon, ça va. Je prendrai sur mon déjeuner pour jouer les Sherlock Holmes. Merci. France Culture, les années 60, aujourd'hui, quatrième émission, 1963. En 1963, Jeannick Aimé avait des problèmes de cœur. Il semblerait que tout se soit arrangé au cours du 52e et dernier épisode. Les archives télévisuelles sur le site ina.fr vous en diront peut-être plus. En 1963, les spectacles étaient rodés en province, mais c'est à Paris que s'effectuaient les rentrées. Alors, théâtre ou variété, en tout cas, époque oblige, ça commence par du twist. Voilà bien les vicissitudes du sort. On se croyait au port du printemps, on envoyait une branche de lilas en guise de pavillon, et soudain revient le ciel gris, soudain revient le froid, soudain revient la pluie. Ce sont ondées de mars, direz-vous, mais demain c'est déjà l'avril. Ondées de mars-avril alors? Bien sûr. Oh, assurément, il ne faut point se désoler, ce sont là bourrasques et intempéries saisonnières, d'autant que le soleil est là. Vous ne le voyez jamais naviguer sur son ciel de Pâques, fait de nuages et de grands vents. Des taches symptomatiques d'azur apparaissent ça et là dans le gris. Mais si par hasard le soleil éclate par surprise, si vous vous laissez surprendre par son attaque, fuyez. Vous constaterez pour commencer qu'il est plus chaud que le soleil de l'été lui-même. Et les premiers soleils rendent fou, c'est la sagesse populaire qui l'affirme. Jacques Brel, pour le fuir ou mieux le retrouver, passe des boulevards à la rue de la Gaîté, où il chantera à Bobino le 4. Heureux Jacques Brel, qui voit les foules le suivre d'un musical à l'autre, d'un arrondissement à l'autre, d'une rive de la Seine à l'autre. Il suffit de passer le pont, c'est Georges Brassens qui l'affirme. Jacques Brel le passe allègrement, pont aux ânes ou pont d'argent, pont d'or ou pont d'Avignon. Tous les ponts mènent peut-être à Rome, mais où mène le triomphe du chanteur? Jacques Brel, vous venez d'aborder des foules considérables, c'est un dernier, puisque je crois que la salle dans laquelle vous passez, quand elle est pleine, et elle l'est tous les soirs, rassemble environ 2000 personnes. Alors vous passez depuis je ne sais pas combien de semaines, ça fait déjà plusieurs dizaines de milliers d'individus que vous avez devant vous comme ça. Et pourtant vous êtes un homme seul sur la scène. Oui. Alors je voudrais vous demander si vous ne trouvez pas inégal un peu ce combat avec, d'un côté, ces espèces de... J'ai un de mes amis qui a trouvé une très belle expression, il appelle ça un cerisier de visage. Vous savez, tous ces visages qu'on aperçoit dans l'ombre des fauteuils. Oui. Et vous, qui êtes tout seul, non, découpé par les projecteurs. C'est pas injuste, parce que la foule... La foule n'est qu'un seul individu. Enfin, moi, je trouve... La foule, c'est... Le public, c'est une femme. Je sais pas pourquoi je trouve que c'est une femme. Parce que ça respire comme une femme, sa vie. C'est illogique, un peu, un public. Ça a des réflexes, des caprices de... Presque de gonzesse, d'ailleurs. Oui, bien souvent vous attaquez une chanson et dès que le public a entendu les trois premières notes de cette chanson, le public applaudit, n'est-ce pas? Oui. On a l'impression d'une espèce de brutalité, d'ailleurs d'inconvenance si vous voulez de sa part. Oui. Il interrompt la chanson. Je suis très brutal avec lui, on a le droit. Je suis très brutal avec lui, il a le droit de l'être avec vous. Ah oui, c'est vrai. Ah, vous acceptez le jeu. Ah oui, c'est la règle. Oui, on parlait l'autre jour de combat de taureau, c'est aussi un combat de boxe. Oui, c'est ça. Avec... D'ailleurs, beaucoup de tours de chant maintenant. Il y a des gars qui préfèrent le crochet du gauche, qui est un crochet sentimental, qui est un crochet. Puis des gars qui préfèrent les crochets du droit ou les coups de tête, même. Qu'est-ce que vous préférez chez le public? C'est quand vous le sentez complètement apaisé, complètement haletant, ou au contraire, lorsque vous le sentez bougeant, trépignant, hurlant, demandant une autre. Mais en principe, l'idéal pour un public, c'est de le sentir tout. Tout à la fois, et quand un tour de chant est bien réglé, que ce public est d'une certaine qualité ou d'une certaine qualité de réception, enfin, si vous voulez, assez disponible, si vous voulez, et que le chanteur est en forme, on doit pouvoir passer à peu près par tous les stades, qui est une espèce de violence, une espèce de mélancolie qui monte même de la salle. Mais en réalité, je crois que la chose la plus joli de la part d'une salle, c'est une espèce de qualité de silence. C'est plus à la qualité de silence qu'une salle, qu'on tombe amoureux d'une salle, alors que les cris, les hurlements ne signifient pas grand-chose. À ce moment-là, ils sont complices. Et moi, j'ai pas tellement envie qu'ils soient complices. Ah bon, pourquoi? Je sais pas. On l'a dit souvent, il faut que le public ait du talent, c'est évident. Oui, mais il faut que chacun reste à sa place. C'est pour ça que je vous disais, je ne veux pas raconter ma vie. Oui, vous comprenez? Je ne suis pas quelqu'un du public qui est monté sur la scène pour venir. Vous comprenez? C'est pas le crochet radiophonique. Je déteste la fin de banquet. Mm-hmm. Vous comprenez? Alors c'est... Mais c'est-à-dire que vous faites un métier et il faut que le public fasse le sien. Ah, mais bien sûr, mais il fait un métier. Il fait un réel métier quand il vient là. Et qu'est-ce qui vous paie le plus de vos efforts? Car il faut parler d'efforts et même d'efforts physiques, n'est-ce pas? Vous vous donnez entièrement sur la scène. Qu'est-ce qui vous paie le plus de cet effort que vous fournissez plusieurs fois par jour, quelquefois? Vous savez, la plus jolie récompense, c'est comme... Je crois que c'est moi qui me la donne. Je suis content ou pas. Oui. C'est aussi bête que ça. Parce que tout de même, je sais qu'il existe aussi des tas de légendes qui disent que quelqu'un qui est sur scène sent 1000 choses quand on s'en fait autrement. Tout ça est une bonne plaisanterie. Même, on sent une ou deux choses que les autres ne... Et ce sont des choses très bêtes. N'importe qui, sur scène, les sentirait aussi à ce moment-là. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé dans toute la salle. Au mieux, on a comme repère, prenons une salle comme l'Olympia, on a comme repère 10 visages qui peuvent complètement fausser le jeu. Parce qu'il suffit que ces 10 visages-là soient parfaitement bon enfant, gentil, souriant, et on croit qu'ils sont tous comme ça, c'est pas vrai du tout, le contraire se passe aussi. Donc on a très peu de points de repère, et finalement le meilleur critère, c'est quand on sort de scène et qu'on se dit j'ai bien machiné tout ça. Oui. À côté des chansons qui déchaînent le tumulte, vous avez aussi des chansons qui apaisent votre public, enfin qui le ramènent sentimentalement à vous. Et il y en a une qui s'appelle, je crois, c'est Fanette. La Fanette, oui. La Fanette, oui. La Fanette, la petite Fanny, enfin je ne sais même pas si ça existe. Oui, vous pouvez la chanter ce soir? Oui. C'est la première fois que vous la chantez à la radio, n'est-ce pas? Oui. Nous étions deux amis et Fanette m'aimait. La plage était déserte et dormait sous juillet. Si elles s'en souviennent, les vagues vous diront combien pour la Fanette j'ai chanté de chansons. Faut dire qu'elle était belle comme une perle d'eau. Faut dire qu'elle était belle et je ne suis pas beau. Faut dire qu'elle était brune, tant la dune était blonde, et tenant l'autre et l'une, moi, je tenais le monde. Faut dire que j'étais fou de croire à tout cela. Je le croyais à nous, je la croyais à moi. Faut dire qu'on ne nous apprend pas à se méfier de tout. Nous étions deux amis et Fanette m'aimait. La plage était déserte et mentait sous juillet. Si elles s'en souviennent, les vagues vous diront comment pour la Fanette s'arrêta la chanson. Faut dire qu'en sortant d'une vague mourante, je les vis s'en allant comme amants et amantes. Faut dire qu'ils ont ri quand ils m'ont vu pleurer. Faut dire qu'ils ont chanté quand je les ai maudits. Faut dire que c'est bien ce jour-là qu'ils ont nagé si loin, qu'ils ont nagé si bien, qu'on ne les revit pas. Faut dire qu'on ne nous apprend pas. Mais parlons d'autre chose. Nous étions deux amis et Fanette l'aimait. Et la plage est déserte et pleure sous juillet. Et le soir, quelquefois, quand les vagues s'arrêtent, j'entends comme une voix. J'entends, c'est la Fanette. En 1963, la radio distrayait et instruisait, au fond comme aujourd'hui. Ainsi, les émissions scientifiques, bel exemple d'information du public, l'émission « Le progrès est la vie », dont on a entendu précédemment d'autres sujets. Ce soir-là, il s'agissait de recherche sur le code de l'hérédité. Écoutons, je ne voudrais pas trahir les professeurs. Pour tous ceux qu'intéressent le prodigieux développement scientifique actuel dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence, voici réalisé par Paul Castan, une émission de Paul Sarès, Le progrès et la vie. Le code de l'hérédité, tel sera le sujet de notre reportage à l'Institut Pasteur, avec la participation de M. François Jacob, chef du service de génétique microbiologique, et de M. Jacques Monod, chef du service de biochimie cellulaire. Mais docteur, que faites-vous exactement avec cette tige que vous semblez enfoncer dans une boîte de gélose parsemée de points blancs que vous examinez en même temps avec une loupe assez importante? Eh bien, c'est une boîte de gélose sur laquelle vous voyez des points qui sont des colonies bactériennes, et ces colonies sont le résultat d'un mariage entre des bactéries, entre deux souches de bactéries, une souche mâle et une souche femelle. Le grand intérêt que présente les bactéries par rapport aux autres matériels, par exemple aux mouches que les généticiens ont étudiées pendant si longtemps, est qu'à partir d'une seule bactérie, en quelques heures, on peut obtenir des milliards d'individus, c'est-à-dire des individus plus nombreux que la population tout entière des hommes sur la Terre. En plus, on sait depuis quelques années qu'il existe chez les bactéries des souches mâles et des souches femelles. J'ai dans les deux tubes que vous voyez ici, dans la main gauche, un tube qui contient une population de bactéries mâles. Dans la main droite, j'ai une population de bactéries femelles. Eh bien, je peux mélanger ces deux cultures et puis agiter dans le bain-marie que vous entendez ici, qui vibre doucement. Oui, en effet, nous voyons des sortes de récipients qui sont agités d'un mouvement régulier, de long en large, et qui baignent dans un liquide, dans de l'eau, je suppose, à une certaine température. Eh bien, en quelques minutes, les millions de mâles et les millions de femelles vont s'accoler l'un à l'autre, vont réaliser des paires qui vont former une conjugaison, et le mâle va transférer une partie de son matériel génétique, une partie de son chromosome, à la femelle. Mais quel est le rapport entre les gènes que vous étudiez d'une part et les enzymes que vous étudiez d'autre part ? Eh bien, c'est exactement cette relation qu'il s'agit d'établir. Nous savons que les bactéries mâles, après s'être appariées, accolées aux bactéries femelles, vont commencer à injecter leurs chromosomes, c'est-à-dire leur matériel génétique, toujours à partir du même point, et ce matériel génétique, ce chromosome, va passer du mâle à la femelle à une vitesse suffisamment lente pour que nous puissions expérimentalement intervenir. Et nous allons prendre un échantillon de cette culture et la placer dans cet appareil que vous voyez là, qui n'est qu'un vulgaire mixeur que les ménagères emploient très souvent pour de nombreuses opérations de cuisine. Nous plaçons dans la cuvette du mixeur un peu de l'échantillon de notre culture bactérienne, et puis nous mettons le contact, et vous entendez le bruit que font les pales du mixeur. Ces pales, en tournant à grande vitesse, développent dans le liquide des forces de friction qui séparent les mâles des femelles au cours de la conjugaison, et non seulement séparent les mâles des femelles, mais coupent le chromosome au point où il est parvenu de sa progression entre le mâle et la femelle au moment où nous appliquons le traitement par ce mixeur. Eh bien, ce qui est très remarquable, c'est que la partie du chromosome qui est passée dans la femelle est fonctionnelle, peut se mettre à programmer la femelle à son tour, et nous pouvons ainsi chercher à quel moment passe le morceau de chromosome qui détermine cette activité jaune dont M. Monod vous a parlé tout à l'heure. Eh bien maintenant, M. Monod, que vous avez brutalement et méchamment interrompu le mariage des bactéries, comment allez-vous étudier le résultat de cette interruption? Eh bien, vous allez le voir, l'opération se poursuit. Nous allons prélever un peu de la suspension qui contient les couples brutalement séparés, comme vous dites, et nous allons confier cette suspension à Mademoiselle Martine, ici présente, qui va vous expliquer mieux que moi encore comment elle opère afin de séparer ces bactéries et de les traiter. Mais Mademoiselle Martine, qui est jeune et charmante, vous allez nous expliquer ce que vous faites avec ces pauvres bactéries. Eh bien, je prends une goutte de la suspension de bactéries que je mets sur la gélose et à l'aide d'un agitateur, j'étale tout le long de la gélose pour avoir des colonies isolées qui pousseront le lendemain matin. Expérimentalement, nous pouvons provoquer des changements de programme parce qu'il y a un certain nombre d'agents tels que les radiations ou un certain nombre de substances chimiques qui peuvent amener des changements, des modifications dans le texte même du programme. Mais tous ces changements, toutes ces modifications, pour le moment, se font parfaitement au hasard et nous ne savons pas du tout les contrôler. On peut probablement espérer que d'ici quelques années, d'ici 10 ou 20 ans, on saura peut-être intervenir de façon précise et de façon délibérée sur certains points du programme. Eh bien, M. Jacob, M. Monod, merci infiniment. C'était une émission de Paul Sarès, réalisée par Paul Castan, Le progrès et la vie, consacrée ce soir au code de l'hérédité, avec la participation de messieurs François Jacob et Jacques Monod de l'Institut Pasteur. Ces travaux vaudront au professeur Jacob et Monod ainsi qu'au professeur Wolf le prix Nobel 2 ans plus tard. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant, je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée. Après les bactéries, autre phénomène de multiplication animale, les oiseaux, pas n'importe lesquels, des oiseaux vilains, comprendre vilains, donc méchants. Oui, ce sont les méchants du nouveau film d'un célèbre metteur en scène qui débarque des USA pour présenter son film donc au Festival de Cannes et qui par chance n'a pas perdu son accent anglais natal. Présente Tu causes sur la croisette, une série d'entretiens enregistrés au cours du Festival du cinéma à Cannes. Aujourd'hui, Tu causes, Alfred Hitchcock. Quand on fait le métier que je fais et que on rencontre des gens de l'extérieur, on vous dit quelle chance tu as, tu dois rencontrer des tas de gens. On rencontre des tas de gens, c'est vrai, mais on n'a pas souvent la chance de rencontrer Monsieur Hitchcock. Et là, on se dit, on a beaucoup de chance de faire ce métier. Well, thank you very much. Monsieur Hitchcock, vous êtes venu à Cannes pour présenter votre dernier film. Oui. The Birds. Mm-hmm. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait un film différent dans l'esprit, dans l'ambiance de tous les films que vous avez fait jusqu'à présent? It's different from other films. Oui, parce que dans Les Oiseaux, j'avais un nouveau vilain. Oui. Les oiseaux sont le vilain de... on dit le film d'Hitchcock, le meilleur film, à le film avec le meilleur vilain. In other words, it's always the best villain, the best stories must have a good villain. Mais ce qui m'a frappé dans ce film, c'est que le suspense était dans Les Oiseaux, bien sûr, mais aussi dans l'ambiance psychologique des personnages. Beaucoup de gens ont énormément aimé ce film, et ceux qui ont pu y faire un reproche y ont fait celui qu'il y avait plusieurs chemins dans le film qui tous se terminaient en point d'interrogation. Why not? And that's what I feel. Why not? And I think that's what you meant to do. Nothing ends, only death. Il n'y a pas de fin en la vie. Pourquoi y en aurait-il dans un... Seulement le mort. Parce que, par exemple, quand on dit des amoureuses au fin d'un film, c'est pas la fin. Non. La vie c'est commence le pour le deux. Et c'est possible, après le mot vin, elle dit à l'homme, your breath smells. Votre haleine ne sent pas bon. C'est possible. Oui, mais bien sûr. Bien sûr, parce que c'est le moment où elle commence à s'en apercevoir. Monsieur Hitchcock, qui êtes-vous dans la vie, en dehors de l'homme que nous voyons dans les films et que nous voyons toujours non seulement comme un maître du suspense, suspense en français ça veut dire Hitchcock, mais aussi comme un maître de l'humour? Je crois que vous êtes aussi bien le maître de l'humour que le maître du suspense. Comment vivez-vous quand vous ne faites pas du cinéma? Je suis très simple. Au fin du jeu, je vais à la maison. Madame Hitchcock Cuyer. Fait la cuisine. Madame fait la cuisine. I help. Les hommes aident beaucoup les femmes à faire la cuisine en Amérique. Et je vois un peu de télévision ou je lisais un livre de travel. De voyage. De voyage. I like books of biography et voyage. Mais pas de roman. Pas de roman, sauf ceux de Daphné du Maurier peut-être. Non. Même pas? Non. Vous ne l'avez pas lu? Quand je lisais les romans, toujours, je pense, est un bon pour un film ou non. Toujours. Et aussi, je suis un homme de visuel. Oui. C'est pas nécessaire pour beaucoup de mots pour dire à moi qui est le pays ou le... La scène. Bien sûr. Je connais la scène immédiatement, pas en mots. Bien je sûr. Je suis un homme des tableaux. Je crois que vous n'êtes pas seul dans votre cas. Quand on fait des adaptations du cinéma ou de la télévision, et quand on lit un livre, on pense adaptation forcément. Vous aimez la musique? Vraiment. Tous les films. À la musique, pas vraie musique, mais la forme d'un film de moi oui. Commence avec peut-être allegro et andante et la fin est plus allegro. Oui. Quelles I use les... music shape all the time and a theme. One theme, another. Here, in dans les oiseaux, le thème commence avec les personnes. Un nouveau thème commence, le thème des oiseaux. Et le thème des oiseaux est plus grand, est bigger. Plus grand. Est plus grand contre le thème des personnes. Oui. Parce que les oiseaux de musique. Bien sûr, parce que les oiseaux dans votre film sont plus forts que les personnes. Oui. Hitchcock, je voulais vous demander si vous aimiez les oiseaux, mais j'ai appris depuis que vous aviez été élevé au milieu des oiseaux. Des oiseaux morts. Votre père, je crois, s'occupait beaucoup d'oiseaux. Not really. My father was in the business of poultry, selling poultry. Well, that's some sort of bird. Yes, it is, but it's not the same bird. They were already dead. Oui. They couldn't hurt them anyway. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus s'en servir pour un film. Mm. Vous avez eu du mal à faire signer les contrats des oiseaux? Yes, there was. But they had a very good agent. Je ne vous demanderai pas le nom de votre agent, monsieur. Je vous remercie beaucoup et nous merci, avons tous été très heureux de vous rencontrer. Merci. Nous avons parlé tout à l'heure de l'humour d'Hitchcock, de l'humour et du suspense. Eh bien, je crois qu'aucune illustration n'était meilleure, malgré sa mauvaise qualité technique, que quelques extraits de la conférence de presse qu'a donnée Alfred Hitchcock au Festival de Cannes. Alfred Hitchcock ne désire pas faire de déclaration et il se bornera à répondre à vos questions. Il comprend fort bien le français, il le parle aussi quand ça lui fait plaisir, mais j'essaierai de traduire vos questions en anglais et de traduire ses réponses d'anglais en français. Une question, s'il vous plaît. Je voudrais savoir si la Société protectrice des animaux a eu intervenu. Does the Society for the Protection of Animals interfere in the film? No, we had a man on the set all the time, and he used to say at 5:30, we must close down now, the birds are tired. Il y avait au studio... Il y avait un studio, quelqu'un qui vérifiait l'heure, et à 5h30, il disait, arrêt des prises de vue, les oiseaux sont fatigués. How does it go on? After you come to an end, yes. How should I understand? Ask, how do you understand the end of any film? Comment, donc la question était, qu'est-ce qui se passe après que le mot fin est apparu? Qu'est-ce qui leur arrive? Hitchcock répond, demander qu'est-ce qui se passe après la fin de tous les films. But under those jokes, you just don't say anything about what we want to know. It's very witty. It's witty, but we don't know. If you don't explain, we don't know how they did that. Ask the question. Well, explain to madame. If she will come to my room at 5:00, I will explain all night. La dame qui pose cette question, elle veut se rendre à 5h dans la chambre de M. Hitchcock, lui donnera des explications pendant toute la nuit s'il le faut. C'était les années 60, aujourd'hui 1963, première émission. Archivina Véronique Jolivet, Amélie Briand-Lejeune, Hervé Evano. Mixage Marie-Dominique Bougot, réalisation Annie Douel. Une émission de Philippe Garbi. À suivre.